Rigira. Innocent Mibonima, assurant la mise en onde. Bonsoir, amis auditeurs, auditrices, et bienvenue à cette édition de la soirée dont voici d'abord les grands titres. Une somme estimée à près de 150 milliards de francs burundais constitue la perte enregistrée par le Burundi suite à la pandémie de Covid-19. C'est ce que déplore le ministre burundais ayant les finances dans ses attributions. C'était lors de la présentation ce jeudi des réalisations semestrielles. Vous l'entendrez dans cette édition. Et emprisonnement du chef de colline Kanyange de la commune Buhiga. Il est accusé de même que le conseiller collinaire et le responsable des jeunes du parti CNDD-FDD sur cette colline d'escroquer la population. Et le Burundi est classé sa 65e sur 180 pays en ce qui est de l'enquête sur la perception de la corruption. Une enquête réalisée par l'ONG Transparency International. Vous en aurez également les détails. Et c'est un offre de soulagement pour les élèves de l'école fondamentale de Ruzira, dont les classes avaient été endommagées par des pluies. Le matériel de reconstruction de ces classes est désormais disponible. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, je vous le disais en titre, le chef de colline Kanyange de la commune Buhiga, province Karusi, est au cachot du commissariat provincial de la police depuis ce jeudi. Et un autre conseiller collinaire a pris fuite avec le responsable des jeunes Imbonerakure de cette même colline le même jour. L'administrateur de cette commune confirme ces informations. Il précise que ces personnes se prenaient pour des agents communaux et sont accusées d'escroquer la population via la collecte d'argent qui, selon elle, servirait à l'achat des tôles destinées aux vulnérables. Blaise Pascal Kararumi. Le chef de colline répond au nom de Bizimana Alexis, responsable de la colline Kanyange de la commune Buhiga, province Karusi. Il est emprisonné au cachot du commissariat de police de Karusi depuis jeudi passé. De son arrestation, un autre conseiller de cette colline, Dino Domilenzo Syriac, a pris fuite avec le responsable des jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir sur cette colline, craignant d'être aussi arrêté comme le signalent certains habitants sur place. L'administrateur communal indique que ses responsables collinaires sont accusés d'avoir collecté de l'argent aux personnes vulnérables dont ils sont responsables. Bacheva Semeterance informe que la somme d'argent collectée n'est pas encore connue et que cette collecte aurait été faite pendant qu'ils faisaient le recensement des ménages ayant des maisons en paille. Il déplore qu'ils auraient collecté cet argent, disant qu'ils sont en train de le faire sous l'ordre des responsables de la commune. Certains habitants signalent que ce chef de colline ne serait pas parmi ceux qui auraient demandé de l'argent lors de ce recensement. L'administrateur communal, Wachiba Seme, dit qu'il suit de près cette question et que des responsabilités seront bientôt établies et que les personnes qui ont subi le vol seront réhabilitées dans leurs droits. Et de là, l'accusé non coupable regagnera le plus vite possible sa famille, ajoute l'administrateur communal. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararumiye. Certains produits chimiques nuisent à la santé humaine, animale et sur l'environnement. Lors de l'analyse ce jeudi du projet de loi portant code de gestion des produits chimiques, Deogui Delurema, ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, a expliqué que même si certains de ces produits font des rentrées dans les caisses de l'État, ils entraînent des effets nocifs s'ils ne sont pas bien gérés dans le pays. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Le ministre de l'Environnement, Agriculture et l'Élevage, Deogui Delurema, a commencé à présenter les motifs d'exposé de ce projet de loi, tout en indiquant que certains produits chimiques, même s'ils font entrer beaucoup d'argent, ils ont des impacts négatifs sur la santé humaine, animale, ainsi que l'environnement. Parmi ces produits chimiques, il y a du carburant utilisé pour nos moyens de déplacement ou pour avoir de l'électricité. Le reste s'observe en grande quantité, alors qu'au Burundi, il n'y a pas de loi régissant la gestion et la commercialisation de ces produits chimiques. Leur conservation clandestine impacte négativement la santé humaine et animale ainsi que l'environnement. Les députés ont voulu savoir comment se présente la situation sur la gestion du carburant dans les coins reculés du pays au moment où il n'y a pas beaucoup de stations à l'intérieur du pays. Si nous regardons à l'intérieur du pays, aujourd'hui, le transport des taxis-motos arrive loin sur les collines où on ne trouve pas de station. Pensez-vous que le carburant utilisé s'achète où? Toutes les communes n'ont pas de station. Alors, ce que je propose, même si nous allons voter une loi sur la gestion des produits chimiques, il faudrait aussi penser comment dans les communes peuvent être construites des stations. Le gouvernement, ainsi que tous ceux qui le peuvent, devraient construire jusqu'au chef-lieu des communes les stations pour limiter les dégâts causés par le carburant et lutter contre ceux qui le vendent clandestinement. Sur cette question, le ministre Deogui Derulema a répondu que s'il n'y a pas de loi régissant la gestion de ces produits chimiques, les problèmes resteront. Il a invité les députés à apporter leur soutien pour protéger la population. Souvent, on parle de ces stations proches des maisons d'habitation ou les carburants qui sont conservés dans des maisons. Et quand un accident survient, vous savez la suite. Nous commençons à s'accuser mutuellement après la perte des vies humaines. Si cette loi n'est pas mise en place, il y aura toujours des problèmes. Nous avons vu que ce qui se fait n'est pas du tout convenable. Si possible, vous pouvez nous apporter du soutien en construisant une station sur votre colline d'origine dans le but de montrer que vous protégez la population. Après analyse de ce projet de loi, les députés l'ont adopté à l'unanimité. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'essentiel que vous pouvez suivre également via le www.isanganiro.org. Économie à présent. Le Burundi a déjà enregistré une perte financière de près de 150 milliards de francs burundais suite à la pandémie de COVID-19. Propos du ministre des Finances lors de la présentation des réalisations semestrielles ce jeudi. Domitien Dihoukoubgayo précise qu'il y a des opérateurs économiques qui ont fermé leurs portes, surtout ceux du tourisme suite au manque de clients. Suivez-le dans cette traduction française de Balan Javier Iman. Ces conséquences sont nombreuses. Il y a celles liées à la santé. Un cas testé positif nous effraie tous. À part ces conséquences sur la santé, il y a ensuite des conséquences sur le plan des relations. Vous le savez, vous tous, que celui avec qui on s'embrassait dans le temps, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est aussi une autre grande perte sur le plan économique. Vous le savez, dans les premiers jours, partout, le commerce a été suspendu. Les mouvements des commerçants ont été momentanément suspendus car partout dans le monde, on ne savait pas comment se tenir face à cette situation. Pour ceux, les marchandises qui devraient entrer chez nous ou celles qui devraient sortir n'ont pas été faites comme on le prévoyait. Si on analyse les chiffres, absolument, il y a des pertes énormes. Les usines de transformation ont manqué de matières premières. Cela a occasionné une diminution sensible des quantités de produits mis sur le marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont tombées en faillite, surtout celles du domaine du tourisme. C'est-à-dire que les pertes sont énormes, même si on voit qu'au Burundi, on a essayé de tenir comparativement à d'autres pays. Il y a une autre perte due aux fonds qui devraient être affectés dans les projets de développement. Mais aujourd'hui, ces fonds sont utilisés dans la lutte contre le coronavirus pour le dépistage de ceux qui entrent au pays et ceux qui se font dépister volontairement. Le rapport fait montrer généralement qu'on a enregistré une perte qui s'élève à peu près de 150 milliards de francs burundais. Mais ici au Burundi, Dieu merci, ça n'a pas été comme dans d'autres pays. Les activités ont continué, ce qui nous a poussé à tenir. Raison pour laquelle, vous voyez, les finances n'ont pas régressé comme on le pensait. Entre-temps, l'indice de perception de la corruption de cette année brosse un tableau sombre de l'état de la corruption dans le monde. Le constat est de l'organisation Transparency International dans son rapport de 2020 sur l'état des lieux de la corruption dans le monde. Selon ce rapport, sorti ce vendredi, la corruption non seulement fragilise la réponse sanitaire mondiale à la COVID-19, mais elle contribue également à approfondir la crise démocratique en cours. Sur 180 pays qui ont fait objet d'enquêtes, le Burundi est la 165e. Le Burundi se trouve à la 165e place Ban Nyonghur. L'indice qui classe 180 pays en fonction du niveau de corruption dans le secteur public utilise une échelle de 0 à 100 où 0 correspond à un système très corrompu et 100 à un système très faiblement corrompu. Selon ce rapport, comme les années précédentes, plus de 2/3 des pays obtiennent un score inférieur à 50 sur l'indice de perception de la corruption de cette année, avec un score moyen de 43 seulement. Les données montrent qu'en dépit de certains progrès, la plupart des pays ne parviennent toujours pas à lutter efficacement contre la corruption. Sur ce classement, le Burundi est placé à la 165e place sur 180 dans la lutte contre la corruption avec une note de 19 sur 100. Il partage cette place avec notamment la Guinée-Bissau ainsi que le Congo-Brazzaville. Les pays en tête du classement sont le Danemark et la Nouvelle-Zélande avec un score de 88, alors que les pays en bas du classement sont le Sud-Soudan et la Somalie avec une note de 12 sur 100. Ce rapport mentionne que la corruption touche l'ensemble de la réponse à la COVID-19, qu'il s'agisse de l'accès aux tests de dépistage, aux traitements et autres services de santé. 4 recommandations sont proposées pour lutter contre la COVID-19 et freiner la corruption. Il s'agit notamment de renforcer les organes de surveillance, garantir la transparence dans la passation des marchés ainsi que la publication des données pertinentes. Merci, Oban Nyonghur. Commerce à présent, les commerçants de la province de Kirundo, spécialement ceux qui vendent les produits Braoudim, demandent qu'il y ait augmentation des grossistes et fournisseurs de ces produits à Kirundo pour éviter des spéculations sur les prix. Cela a été dit ce vendredi au chef-lieu de Kirundo dans la réunion tenue par le gouverneur provincial à l'endroit des commerçants pour assurer la stabilisation des prix des boissons, du ciment, Bosseco et du sucre de la Sosumo. Aboron Safari, correspondance. L'objectif, c'était de voir ensemble la perturbation dans les prix des produits de la Braroudi, Sosumo et le ciment de Bousseko et comment trouver des solutions ensemble. Concernant les produits de la Braroudi, certains commerçants ont demandé qu'il y ait augmentation des fournisseurs grossistes pour avoir 2 ou 3 dépôts à Kirundo. Si cela se ferait, ajoutait-il, il n'y aurait plus carence de ces produits ni spéculation des uns et des autres. Dans les moments de fête, par exemple, le prix d'Amster de 72 arrive à 3000 francs dans certaines localités, comme l'a dit l'administrateur de Guitobé. Concernant le ciment de la Bousseko, la stabilisation de ce produit est devenue des fois impossible. Tantôt, il arrive à 32 500 francs le sac, tantôt à 24 500 francs le prix connu par l'État. Pour faire face à cette perturbation, les commerçants de Kirundo ont demandé que les grossistes soient également augmentés au lieu qu'un seul ou deux individus monopolisent cette action. Quant au sucre de la Sosumo, ils n'ont pas fait beaucoup de commentaires. Ici, le gouverneur de la province de Kirundo a signalé qu'avant d'avoir les nouvelles fonctions, le prix du kilo du sucre était de 3000 francs, mais il est à 2500 francs le kilo, sauf qu'il y a quelques-uns qui peuvent faire des spéculations liées à la pénurie de ce produit. D'autres ont demandé qu'il y ait le changement de fournisseur ou bien augmenter le nombre de ces derniers. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Et enfin, les 265 écoliers de l'école fondamentale de Ruzira en commune de Matana de la province et Bururi en difficulté de suivre les leçons depuis son deuxième trimestre en cours vont enfin regagner leur salle de classe dont les toitures avaient été endommagées à la fin du premier trimestre. L'administration provinciale de Bururi et les natifs de cette colline ont rendu disponibles de nouvelles tôles ainsi que les tubes métalliques pour renforcer la toiture officiellement remise ce samedi à Ruzira. Jean-Pierre Misago s'est rendu à Matana et voici sa correspondance. 350 tôles rendues disponibles par le ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions sur demande des natifs de Ruzira résidant au Burundi. Des tôles qui s'ajoutent à 240 autres rendues disponibles par le cabinet du gouverneur de Bururi et le matériel de construction remis officiellement ce samedi à Ruzira. Ce matériel trouve sur place une charpente aménagée avec des tubes métalliques d'une valeur de plus de 28 millions de francs burundais, rendue disponible grâce aux Italiens amis de Ruzira et de la diaspora burundaise native de cette localité. Le commissaire de police Anice Nibaruta, secrétaire exécutif de la plateforme nationale de prévention des risques et de la gestion des catastrophes, qui s'est exprimé au nom des natifs de Ruzira, appelle les habitants de la localité de soutenir ces initiatives en plantant les arbres, agroforestiers dans les parages pour limiter les dégâts occasionnés par des vents violents. Quant au colonel Leonidas Bandenzamaso, gouverneur de Bururi, qui présidait les cérémonies, l'administration est prête à appuyer ce secteur et demande aux autorités scolaires de se donner corps et âme afin de relever le niveau de ce secteur dans les examens externes. Dans 3 jours, à compter à partir de ce lundi, le responsable de l'église de Pentecôte de Ruzira a promis l'exécution de tous les travaux de réhabilitation des 8 salles de classe concernées, dont les élèves se servaient provisoirement des locaux de cette église, et ceux du centre de santé de la place qui va bientôt ouvrir ses portes. Jean-Pierre Misago de Piruzira, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, on s'excuse sur ce qui ne va pas dans cet élément sonore. On espère que très prochainement, dans nos prochaines éditions, on va nettoyer l'élément. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons fin final à cette édition. Merci à vous tous d'avoir suivi. Je dis merci à Innocent Bonimana qui l'a mise en nom. Nelly Nibel Nibigila, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. De la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a rencontré les professionnels des médias ce jeudi 28 janvier, rapporte Net Presse, qui fait remarquer que c'est une première rencontre du genre depuis que le nouveau président est en fonction. Voici bientôt 7 mois. Pour le président Ndayishimiye, souligne ce quotidien en ligne, un journaliste doit être un homme intègre car il a une arme puissante dans la mutation de la société. Net Presse écrit aussi qu'il a demandé au Conseil national de la communication de s'asseoir avec les responsables des médias suspendus ou en situation de sanction pour qu'ils trouvent des solutions durables garantissant la liberté de la presse dans ce pays. La journée internationale de l'éducation passe inaperçue, fait remarquer la voix de l'enseignant, qui rappelle que cette journée est habituellement célébrée le 24 janvier chaque année depuis 2019. Pour ce journal, c'est une occasion pour les États de réaffirmer leur engagement quant à la mise en œuvre de l'agenda 2030 quant au 4e objectif de développement durable qui demande aux États d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Mais, regrette notre confrère, pour le cas du Burundi, cette journée n'a pas d'éclat. Pourtant, estime cet hebdomadaire de l'éducation, le pays a de quoi se vanter, notamment la gratuité scolaire aux fondamentales, les cantines scolaires, la première place au niveau de la lecture d'après le programme PASEC, le rapprochement des infrastructures scolaires à la population. À côté des atouts, écrit toujours la voix de l'enseignant, il y a quand même des défis, notamment les classes pléthoriques, l'insuffisance des bancs pupitres et des manuels scolaires, l'insuffisance et le manque d'enseignants qualifiés, etc. Et son confrère de conclure que, si la journée était célébrée comme les autres journées internationales, on aurait ravivé les défis et les plus urgents trouveraient des solutions. Revue de la presse. Campagne de dépistage gratuite du diabète et de l'hypertension artérielle, rapporte l'agence burundaise de presse. le programme des maladies chroniques non transmissibles relevant du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, a organisé en effet mercredi 27 janvier au chef-lieu de la province Rumonge une campagne de dépistage gratuite du diabète et de l'hypertension. Selon Dr Baram Hama, conseiller au sein du dit programme, rapporte toujours l'ABP, l'objectif de cette campagne est de sensibiliser la population pour qu'elle ait l'habitude de se faire dépister du diabète et de l'hypertension artérielle, ajoutant que ce sont des maladies métaboliques et que l'on peut passer plusieurs années sans avoir développé des signes de la maladie. Une stratégie pour combattre la spéculation, écrit Burundi Echo, a une de ses apparitions cette semaine, et c'est pour parler de l'Agence nationale de gestion du stock, ANAGESA en sigle, mise en place par le décret signé le 18 janvier 2021, avec pour mission la gestion de la production agricole, animale et halieutique, et cela de la production à la commercialisation. Ce journal souligne qu'une quantité importante mise sur le marché est collectée dans plusieurs coins du pays par des commerçants spéculateurs qui maîtrisent les susceptibilités du marché et qui profitent des besoins des producteurs et les enfoncent parfois même dans le pétrin. Pour l'éditorialiste de cet hebdomadaire socio-économique, il faut rendre aux producteurs ce qui est aux producteurs. Ce journal se réjouit que maintenant l'État prend en main les choses en promettant d'acheter aux producteurs à un prix rémunérateur et de vendre aux consommateurs à un prix abordable. Des précautions s'avèrent une nécessité, prévient son confrère, qui en inventorie dans cette parution. C'est entre autres la mise en place des magasins d'entreposage, des stratégies de conditionnement, de transport et de conservation, l'installation des chambres froides et des frigos pour éviter la pourriture de la production, le courant électrique pour alimenter ces derniers, la commercialisation à l'international, alors que l'institution chargée de certifier les produits crie toujours au manque de moyens humains, matériels et financiers, etc. Quand les déchets plastiques sont mus en pavés écologiques, le journal Iwachu fait un focus sur Fiacre Nijimbere, un étudiant de l'école normale supérieure, fabriquant des pavés à base de déchets plastiques et sachets. Une briqueterie pas comme les autres dans la zone Ngagara en commune Nahangwa au nord de Bujumbura. Dans les colonnes de son confrère, il témoigne que l'idée lui est venue de son voyage en Ouganda en 2016, où il a vu des jeunes, des adultes, en train de collecter des déchets, chacun voulant rassembler le maximum pour aller les vendre. Des acheteurs aussi grouillés. C'est par après qu'il a appris que c'est à partir de différentes catégories de déchets que l'on fabrique des bassins, des combustibles, d'autres ustensiles de cuisine. Et c'est grâce à sa recherche sur Internet qu'il a réalisé qu'il est possible de fabriquer des pavés très solides à partir des déchets plastiques. Et pour terminer cette revue de presse, nos confrères de la Nova rapportent que désormais, la facture du téléphone perdue ou volée sera exigée de la part de celui qui est à sa recherche. C'est ce qu'a déclaré le commissaire général de la police judiciaire, Bertin Garungu, en raison de la recrudescence des cas de vol de téléphone. Il précise toujours dans les colonnes de son confrère en ligne qu'en plus de cette facture ou autre pièce équivalente, la victime du vol devra y annexer des identifiants de son téléphone. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndiokugayo et Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.